sur les ondes de Cifu 89 FM, vous écoutez le Baseball des Aigles de Trois-Rivières. On amorce le dernier tiers du match au Parc de l'Exposition. 4 à 0 pour les Aigles sur les champions. Roar, Helms et Pierre, le bas d'alignement de Orlagnon va s'amener contre le partant Alvarez. Michael Alvarez, là, c'était son 87e lancé dans ce match. Donc, si tout se déroule bien, il pourrait être de retour en 8e manche sans aucun problème. Dans ce match qui, on le disait, là, se déroule à une vitesse phénoménale. On a tellement été habitué à des duels de 3h15 cette année à la maison. Mais on ne doit pas parler trop vite. Hein? Non, non, non. On va en parler à notre collègue Mathieu Plante en studio à l'UQTR. Souvent, il nous a entendu dire que le match allait se terminer tôt. Mais malheureusement, ça se termine très tard. Il ne connaissait pas beaucoup le baseball il y a 3 ans, Mathieu. Mais là, une chose qu'il retient, c'est que le baseball n'a pas de cadran. Et croyez-moi qu'il le sait. Une balle et une prise au tableau pour Matt Helms. Il me confirme que c'est la seule chose qu'il sait. Je me rappelle qu'au match Éric Gagné, on avait eu un délai de pluie. Pendant que la balle est frappée du côté droit, ça passe par-dessus la tête de Connor Crane. Et Helms va tenter sa chance au deuxième but. Et Herrera est patient, pas de relais. Donc c'est un double pour Helms. Ouais, je pense pas qu'il y avait eu de jeu. En plus, lorsqu'il a récupéré la balle, Herrera a quelque peu glissé. Donc Helms, qui, on disait plutôt à très bonne vitesse, atteint le deuxième coussin. Donc au match Éric Gagné, Mathieu ne rend pas ça personnel. Il y avait un délai de pluie et Mathieu m'a animé pendant la pause de pluie pour dire aux gens restez des nôtres, il y a un match qui va jouer. Il mentionnait aux gens, il disait un certain Éric Gagné. Il l'avait même, je crois, débaptisé à l'aide sur la butte. Donc on en riait beaucoup. Donc Mathieu qui apprend à connaître le baseball là, dans le studio. J'ai travaillé avec Mathieu pendant quelques années, là, ici et là, parfois à titre d'animateur assez fou. Et je peux te dire une chose et je le confirme. Mathieu ne connaît absolument rien au sport. C'est le dernier de ses soucis. Parlez-lui, par contre, de nouvelles technologies. Là, on va l'allumer. Il anime d'ailleurs encore une émission sur nos ondes, ouais, avec Tania Baudouin. Semblage requis. Ou non, le Mathieu Planchot, mes excuses. Il fait les deux. Fait les deux. Polyvalent. Deux balles et aucune prise pour Gustavo Pierre. On a un retrait courant au deuxième. En terminant, je remercie Nicolas Ducharme qui a fait du bon travail à l'analyse. Merci également à Mathieu Plante qui a été excellent à la réalisation et mise en onde de ce reportage. Mon nom est Simon Laliberté. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes et on se dit à demain pour un autre match des Aigles à l'antenne de C'est fou 89.1 FM.